Qu'est-ce qui pèse le plus lourd, un humain ou une fourmi? Alors vous me direz, pour un seul individu, la réponse est assez simple, mais pour l'ensemble des populations, bien figurez-vous que les fourmis pèsent plus lourd que l'humanité. Espèce ubiquitaire que l'on retrouve sur tous les continents sauf l'Antarctique, les fourmis, dont on a recensé 13 000 espèces mais dont on suppose qu'il y en a bien plus, sont un rouage essentiel de nombreux écosystèmes. Animaux eusociaux, comportement complexe, c'est la seule espèce avec l'espèce humaine à pratiquer l'élevage d'une autre espèce animale. Une société de reines, de princesses, d'ouvrières et de guerriers, ce n'est pas Game of Thrones, bienvenue dans la fourmilière. Fourmis, une pour toutes et toutes pour une, c'est le programme collectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans ce voyage entomologique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Peters. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et myrmécologue au laboratoire écologie et sciences environnementales à Sorbonne Université, également auteur du guide des fourmis de France aux éditions Belin. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse avec Audrey Dussutour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes myrmécologue également, chargée de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier à Toulouse donc. Mais avant de plonger dans les galeries souterraines, nous restons encore un peu en surface pour les dernières nouvelles de la science et de la recherche avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour ce premier journal de la semaine, nous allons parler d'une étude parue dans Science Translational Medicine. De nombreux traitements contre le cancer visent en fait les mauvaises cibles moléculaires. Et depuis 15 ans, les thérapies ciblées cherchent précisément à cibler les protéines kinases, très impliquées dans le développement des tumeurs. Il a déjà été démontré que lorsqu'on cherche des molécules chimiques, pour viser une kinase en particulier, cette molécule chimique a des effets sur d'autres kinases. C'est ce qu'on appelle les effets off-target, les effets hors-cible. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé 10 médicaments, dont 7 actuellement en essai clinique. Ils les ont testés avec des cellules malignes, cellules modifiées par la technique CRISPR, celle des ciseaux moléculaires. Les protéines qui sont considérées comme essentielles à la survie des cellules cancéreuses et qui sont précisément ciblées par ces traitements ont été supprimées. Et on observe, malgré tout, que ces cellules malignes survivent. Caroline Morellal est professeure en biologie moléculaire et en cancérologie à l'université Lyon 1. Pour elle, cette nouvelle approche va permettre d'affiner la recherche de nouvelles cibles. Dans cette publication, ils ont appliqué la technique CRISPR pour aller carrément supprimer totalement l'expression de ces 6 gènes. Et qu'est-ce qu'ils voient de façon surprenante, hein, c'est qu'ils éliminent l'expression, donc les protéines qui sont codées par ces gènes ne sont plus exprimées dans les cellules tumorales. Ils appliquent la molécule chimique qui était censée cibler ces protéines et cette molécule est toujours active. Elle fait toujours mourir les cellules tumorales alors que la cible normalement correspondante à ces molécules chimiques n'existe plus dans la cellule. La cible officielle, c'est-à-dire la cible que les chercheurs avaient trouvée au départ, ils avaient montré que la molécule chimique était spécifique d'une de ces protéines. En fait, ces protéines ne sont plus là. Et pour autant, la molécule chimique est toujours efficace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a d'autres cibles, qu'elle n'était pas spécifique. Est-ce que c'est, par exemple, d'autres kinases qui sont dans la même famille? Est-ce que c'est des cibles qu'on n'avait pas imaginées au départ? Et du coup, il faut faire tout un travail maintenant en amont pour savoir si une molécule chimique qu'on a choisie ou une molécule biologique pour cibler une protéine en particulier, aller rechercher si cette molécule thérapeutique ne cible pas autre chose dans la cellule. Tout l'intérêt de cette publication, c'est de dire attention quand on fait des essais cliniques maintenant, essayez d'éliminer l'expression du gène avec la technique de CRISPR et regardez si l'effet thérapeutique est toujours là en absence de la cible. Voilà, vous pouvez trouver cette publication, le lien vers l'article de Nature, comme tous les jours pendant le Journal des Sciences, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon plusieurs instituts, la banquise de l'Arctique a presque atteint son niveau le plus bas. La fonte annuelle de la banquise poursuit son été record. Seuls 3,9 millions de kilomètres carrés de l'océan Arctique sont recouverts de glace. C'est le niveau le plus bas depuis 1979, date des premières mesures par satellite. Entre mars et avril, l'étendue de la glace a considérablement diminué, ce qui par conséquent empêche la banquise arctique de se reconstituer. De plus, la chaleur emmagasinée dans l'eau peut continuer à faire fondre le dessous de la glace pendant encore quelques semaines. Une équipe américaine vient de mettre au point un nouvel appareil capable de détecter le niveau de douleur des patients via leurs signaux cérébraux. Le traitement de la douleur post-opératoire est un enjeu important en médecine, mais il reste mal évalué, notamment chez les enfants, les personnes âgées ou celles ne pouvant pas s'exprimer. Ce nouvel outil de neuroimagerie portable, le FNIS, fonctionne par spectroscopie infrarouge. Des capteurs sont placés sur le front pour mesurer l'activité du cortex préfrontal, qui tient un rôle clé dans la gestion de la douleur. Ce qui est mesuré, ce sont les concentrations d'hémoglobine oxygénée qui indiquent l'activité des neurones. Après test, ce nouveau procédé détecte la douleur à un niveau de précision de 87%. Et dans la revue ACS Applied Materials and Interfaces, les chercheurs du MIT viennent de créer un matériau plus noir que noir. Plus noir que le Venta Black, hein. C'est un nouveau matériau est capable d'absorber 99,995% de la lumière entrante. C'est le matériau ultra noir le plus abouti. Et c'est par hasard que les chercheurs ont fait cette innovation. Ils cherchaient à augmenter les propriétés électriques et thermiques des nanotypes de carbone en tentant d'en cultiver sur des matériaux conducteurs, en l'occurrence de l'aluminium. Ils se sont rendus compte alors que leur échantillon était inhabituel. Ils ont ensuite mesuré sa réflectance optique. Ces propriétés d'absorption ultra puissantes de la lumière peuvent être utiles pour les instruments d'optique et notamment pour ceux des télescopes spatiaux. Merci beaucoup Natacha, on peut retrouver votre journal des sciences en podcast ou en replay, en réécoute, en différé, comme tous les jours sur franceculture.fr. Il est 16h07 et nous parlons donc des fourmis tout au long de cette heure. Les fourmis qui représentent moins de 1% des espèces d'insectes sur notre planète et pourtant leur biomasse excède celle, le poids de l'humanité. Le succès évolutif est somme toute assez récent d'ailleurs par rapport à l'histoire de la vie et de l'apparition et de l'évolution de la vie sur notre planète. On estime que les fourmis sont apparues il y a entre 120 et 150 millions d'années, mais leur invasion du globe serait, elle, bien plus récente, puisque les fourmis ont cette caractéristique, je le disais dans l'introduction, d'être une famille ubiquitaire, c'est-à-dire présente partout à la surface du globe, à part peut-être sur l'Antarctique, quoique maintenant dans les bases humaines, il y a certainement quelques fourmis qui sont glissées dans les sacs de grains. Bref, le nombre d'espèces recensées est aujourd'hui de 13 000, leur nombre réel est estimé à au moins 25 000, et figurez-vous qu'il y a peut-être, chez vous, dans votre jardin, des espèces non encore identifiées de fourmis. C'est pour cette raison qu'a été lancé le programme de recensement par la Société entomologique du Limousin, comme en atteste ce reportage qui a été diffusé le mois dernier sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on soulève les cailloux, hein, donc ici il y avait un nid, on a inspiré les ouvrières, donc ils se baladent ici en dehors du nid. Des ouvrières, il s'agirait d'abeilles? Et non, ce sont les fourmis qui les intéressent. Objectif, réaliser l'inventaire des espèces présentes en Corrèze. Après une semaine de recherche, le bilan est déjà encourageant. Il y avait officiellement sur le site Ontaria une cinquantaine d'espèces. Donc Ontaria, c'est l'association qui s'occupe des inventaires fourmis en France. Et nous, pour le moment, on est presque à 60. Donc on a trouvé à peu près 10 nouvelles espèces pour la Corrèze. Les quatre bénévoles ne cherchent pas n'importe où, ils se sont renseignés auprès de la Société d'entomologie du Limousin. On leur a signalé une fourmilière en forêt. Bingo! Personnellement, une fourmilière de cette taille-là, j'en ai déjà vu une fois dans les Vosges. La colonie pourrait rassembler près d'un million de fourmis. Quelques insectes sont prélevés et conservés dans l'alcool avant d'être expédiés vers un laboratoire pour en déterminer l'espèce. À terme, un atlas national sera réalisé. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il suffit de collecter des fourmis même dans son jardin. On les envoie à la personne désignée sur le site Ontaria. Et à ce moment-là, on détermine les fourmis avec le point précis où la personne habite, où elle a prélevé la fourmi. Et ainsi, sa donnée, elle est utilisée. Et elle sait ce qu'elle a dans son jardin, par exemple. Voilà, reportage diffusé au mois d'août sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire, Christian Peters, que peut-être que dans ma jardinière, il y a des fourmis d'une espèce qui n'a pas été encore identifiée. Oui, peut-être, mais bon... Le gros des espèces est quand même bien connu parce qu'on étudie les fourmis depuis des centaines d'années en France, en Europe, et c'est surtout dans les régions tropicales qu'il reste des découvertes à faire. Les découvertes de nouvelles espèces en Europe, c'est quand même des choses assez subtiles. C'est des fourmis qui se ressemblent et qui, il y a peut-être des différences génétiques, mais c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on retrouve dans les tropiques. Audrey Dussutour, vous confirmez ce que dit Christian Peters aujourd'hui, la plupart des fourmis, des espèces de fourmis qui restent à découvrir, c'est plutôt dans les régions tropicales équatoriales que dans la forêt corrézienne. Oui, tout à fait. Même si moi, je suis pas une experte en reconnaissance de fourmis, il est clair qu'en France, on connaît la majorité des espèces. Mais par contre, en Australie, par exemple, on a une énorme biodiversité. Il reste beaucoup de choses à découvrir. Je le disais tout à l'heure, l'apparition des fourmis, on estime que c'est 120-150 millions d'années. Les premiers fossiles, Audrey Dussutour, c'est 100 millions d'années. Le succès évolutif des fourmis, il est arrivé assez tardivement. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui qu'on en retrouve partout, qu'il y en a une telle quantité sur notre planète? Alors les fourmis ont une grande plasticité et surtout en termes alimentaires, ce sont des opportunistes pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles peuvent manger tout et n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, la fourmi d'Argentine est arrivée en Europe il y a 100 ans et maintenant, en moins de 100 ans, elle a envahi 15 pays différents d'Europe. Christian Peters ? Oui, donc les premières fourmis étaient toutes des chasseuses. Elles chassaient les insectes et donc il a fallu quand même plusieurs dizaines de millions d'années pour que la densité des insectes, la diversité des insectes sur la planète augmente. Et ceci est arrivé avec l'avènement des plantes à fleurs. C'est alors qu'il y a eu une explosion dans le nombre des insectes et c'est alors que les fourmis ont vraiment sont devenues dominantes dans les fossiles. Donc ça n'a pas été... À quelle époque à peu près ? C'était environ 60 millions d'années que dans les fossiles, on commence à retrouver les fourmis comme des insectes prédominants. Donc après l'extinction du Permien-Crétacé, après la disparition des dinosaures non aviens. Peut-être un mot pour, je le disais, parce que c'est vrai que c'est souvent une sorte d'exemple qu'on cite sous forme de clin d'œil, mais est-ce que c'est vrai ça, Audrey Dussutour, que la biomasse des fourmis est supérieure à celle de l'humanité aujourd'hui ? Alors oui et non. C'est un chiffre qui apparaît souvent, mais je pense qu'on a dépassé les fourmis depuis longtemps. Mais la biomasse des fourmis, c'est 15 à 20% de la biomasse animale la plupart du temps. Et c'est souvent cumulé avec les termites. Par exemple, on est au Brésil que les fourmis et les termites représentent 25% de la biomasse animale. Mais en réalité, l'humanité a dépassé les fourmis selon les derniers calculs. Vous voulez dire parce qu'on a grossi un peu ? Oui, effectivement. Et puis notre population, même si elle n'est pas au niveau de la population des fourmis, puisqu'il y a plus de fourmis que d'humains, largement, on est quand même beaucoup plus gros. On a une estimation du nombre de fourmis. Alors, je le disais, on est 13 000 espèces recensées, 20-25 000 estimées, c'est ça à peu près, Audrey Dussutour ? Oui, c'est ça, c'est les derniers chiffres, 14 000 identifiés. Et dans le livre de Holdobler Wilson, Les fourmis, il imaginait qu'il y avait 10 millions de milliards de fourmis. Donc, il doit y en avoir un peu plus maintenant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des fourmis en compagnie de Christian Peters et d'Audrey Dussutour qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Alors on va peut-être reprendre simplement, faire une tentative de description un peu, parce que comme souvent quand on dit les fourmis ou quand on dit les oiseaux, on parle de réalités bien différentes. De quoi on parle si on remonte à la racine de l'arbre phylogénétique, Christian Peters, les fourmis, qu'est-ce que c'est exactement en phylogénie ? Donc les fourmis ont évolué à partir d'une guêpe solitaire. Donc ce sont des hyménoptères bien normales, sauf que les ouvrières de fourmis ont perdu les ailes. Donc si vous regardez une reine de fourmis, elle ressemble plus ou moins à des guêpes, mais c'est l'ouvrière qui vraiment se différencie à cause de cette perte des ailes, et ceci a amené un grand nombre de conséquences sur leur mode de vie. Et elles sont donc devenues spécialisées pour travailler sur six pattes. On va reparler hein, évidemment de l'organisation sociale des fourmis. Un mot peut-être, Audrey Dussutour, il y a donc les fourmis, c'est vraiment la racine, le tronc commun, mais il y a un très grand nombre aujourd'hui de sous-familles, il y en a surtout deux, je crois, qui représentent la majeure 80% de la population des fourmis que l'on connaît, qu'on a recensé. Oui, tout à fait. Moi, j'aime à dire, il y a 14 000 espèces de fourmis, 14 000 histoires à raconter. On peut très bien avoir des fourmis où il y a 30 individus dans la colonie et des fourmis où il va y avoir 20 millions d'individus. Et forcément, l'organisation, la division du travail va drôlement changer. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des formicinés, qui est la famille la plus représentée. Mais c'est peut-être pas forcément dans cette famille-là que moi, je vais trouver les fourmis les plus intéressantes. Ah, vous les trouvez dans quelle sous-famille ? Ah, j'aime bien les fourmis étranges, moi. Comme quoi, si par exemple. Je travaille pas dessus. Bah, par exemple, les fourmis Dracula, par exemple, ou les fourmis esclavagistes. Il y a des fourmis qui ont vraiment des histoires extraordinaires, les fourmis coupeuses de feuilles aussi. Et c'est vrai que moi, dans mon laboratoire, je travaille sur des fourmis très simples, comme la fourmi des jardins ou la fourmi d'Argentine. Mais il y a des fourmis avec des histoires extraordinaires. On va faire un peu, on va faire durer un peu le suspense, parce que moi, j'ai hyper envie de connaître l'histoire de la fourmi Dracula. Mais on vous nous raconterez ça un peu plus tard, une fois qu'on aura déjà fait un peu plus grande connaissance avec cette famille générale. Est-ce que, Christian Peters, il y a d'importantes variations morphologiques d'organisation dans l'ensemble de cette immense famille buissonnante qui est celle des fourmis? Pas vraiment, parce que toutes les colonies, chez toutes les colonies, il y a une division du travail entre les reines et les ouvrières. Donc la reine s'occupe de la reproduction, elle s'occupe de créer les colonies, de les commencer, mais les ouvrières font toutes les autres tâches nécessaires pour élever les enfants de la reine. Et ça c'est vrai pour toutes les fourmis. Mais alors, il y a plein de variations. Heureusement pour nous, les chercheurs, il y a des espèces où les reines ont disparu. Il y a des espèces où les ouvrières ont disparu. Il y a des espèces où même les mâles ont disparu. Donc, il y a vraiment un foisonnement de stratégies, de styles d'histoire de vie. Et sur les variations stricto sensu morphologiques, il y a des toutes petites fourmis, pour ceux qui sont allés sous les tropiques, il y a des fourmis très très grandes. Il y a des vraies grandes distinctions morphologiques importantes, ou est-ce qu'on retrouve finalement à peu près toujours la même structure, et je pense notamment les structures internes, toute la production d'hormones, de phéromones, etc. Est-ce que c'est vraiment commun à l'ensemble de cet arbre? Oui, donc les plus petites fourmis, c'est environ 1 mm, et si vous les mettez sous une loupe binoculaire, ça ressemble à une grande fourmi. En fait, toutes les fourmis sont anatomiquement les mêmes. Et là, j'ai travaillé sur l'anatomie interne, et c'est vraiment, c'est aussi vrai pour cela. La seule différence, c'est bien sûr des différences assez mineures dans la sculpture, la couleur, et peut-être les proportions du corps, mais c'est vraiment pas... Enfin, on reconnaît une fourmi, n'importe qui peut reconnaître une fourmi. Audrey Dussutour, sur ces variations morphologiques. Oui, il y a des formes, il y a des, par exemple, des colonies de fourmis où toutes les fourmis vont avoir la même taille, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle des colonies polymorphes où on va avoir des différences de taille au sein même de la colonie. Et par exemple, chez la fourmi coupeuse de feuilles, les petites jardinières qui s'occupent du champignon que cultivent les fourmis vont faire quelques millimètres et vont faire 200 fois moins de poids que les gros soldats de la même colonie. Alors qu'elles sont sœurs, elles sont identiques au départ, dans l'œuf, et parce qu'elles n'ont pas reçu la même quantité de nourriture, il y en a une qui va rester petite et une qui va devenir énorme. Mais, comme disait Christian, c'est juste que la grosse est la grosse version de la toute petite. Alors, justement, on va étudier un peu et regarder ensemble l'organisation de ces colonies de fourmis. Donc, comme le disait Christian Peters à l'instant, a priori, à part exception dont on va parler évidemment, mais toutes les colonies de fourmis sont formées autour d'une reine qui est la première pondeuse, le point de départ de la colonie, Audrey Dussutour. Oui, tout à fait. On a la plupart du temps une reine ou plusieurs. Donc, par exemple, chez les fourmis invasives, on a souvent de nombreuses reines. Mais sinon, oui, l'organisation classique, c'est une reine qui débute sa colonie et qui grandit très vite. Vous disiez, Christian Peters, qu'il y a une espèce de fourmi particulière qui vit sans reine? Oui, en fait, chez les fourmis qu'on appelle ponérines, il n'y a que des ouvrières, elles sont toutes identiques en taille, et en fait, elles se bataillent entre elles pour établir une hiérarchie, et seul l'individu au sommet de la hiérarchie aura l'occasion de se reproduire. C'est un système très spécial, ça ne représente qu'1% des espèces de fourmis, ce ne sont des espèces qu'on ne les trouve que dans les tropiques, mais c'est un système très intéressant parce que c'est totalement différent du système classique où les reines sont automatiquement les pondeuses. Donc la reine s'accouple quand elle est jeune et c'est alors que elle va créer la nouvelle colonie. Chez ces espèces sans reine, l'ouvrière reproductrice ne peut pas commencer une colonie parce que c'est donc la colonie, une colonie existante qui va se couper en deux parties qui deviennent autonomes. Alors justement, on va regarder un peu tout ça parce que il y a plusieurs choses et on peut difficilement parler des différentes fonctions de l'eusocialité chez les fourmis sans parler effectivement des modes de reproduction et peut-être peut-on en parler tout de suite d'ailleurs Audrey Dussutour parce que c'est intéressant. Dans les colonies de fourmis, les reines peuvent se reproduire de deux façons différentes, soit vraiment par parthénogenèse, soit par reproduction sexuée et c'est la reine elle-même qui va plus ou moins décider du mode de reproduction approprié pour obtenir les individus qu'elle souhaite pour la colonie. Oui, en fait, chez les fourmis, on a un système qu'on appelle haplodiploïde, c'est-à-dire que les mâles n'ont qu'un jeu de chromosomes, alors que les femelles ont des paires de chromosomes. Donc le mâle a deux fois moins de chromosomes que la femelle. Donc un œuf fécondé sera fait d'une gamète d'un mâle et de la gamète femelle. Et ça donnera une femelle. Par contre, si l'œuf n'est pas fécondé, ça sera automatiquement un mâle. Donc la reine peut choisir de faire soit des mâles, soit des femelles. Ce qui est assez amusant, c'est que du coup, ça fait des mâles, qui ont, on va en reparler, hein, mais une fonction en général stricto sensu reproductive, des clones de la reine. Pas tout à fait des clones, enfin, ils reçoivent que la moitié du patrimoine génétique. Exactement. Comment ça se passe? Alors du coup, expliquez-nous un peu Audrey Dussutour, comment ça part? Comment débute une nouvelle fondation de colonie de fourmis? Comment est-ce qu'à partir d'une colonie existante, d'un seul coup, une nouvelle reine va pouvoir en sortir et fonder une nouvelle colonie? Alors, on va prendre un exemple classique, la fourmi des jardins, par exemple. Au printemps, on va avoir, en fait, la production on peut les appeler des princesses, qui seront des futures reines. Donc, finalement, ce sont des larves de fourmis qui vont être nourries un petit peu différemment, avec un régime plus riche, un petit peu comme chez les abeilles. Et celles-ci vont devenir, finalement, des princesses, qui seront des grosses fourmis avec des ailes. Et celles-ci vont s'envoler. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle les fourmis volantes. Les gens disent, ah, j'ai vu des fourmis volantes. Et c'est finalement des futures reines qui vont s'accoupler en vol chez cette espèce. Une fois qu'elle est accouplée avec le mâle, elle s'arrache les ailes, elle va chercher un petit trou dans le sol et là, elle va commencer à fonder sa colonie. Donc au départ, elle va pondre des œufs qu'elle va nourrir elle-même, donc avec ses réserves. Souvent, elle métabolise ses muscles à l'air puisqu'elle n'aura plus besoin de voler. Et elle va donc nourrir ses premières ouvrières qui vont être toutes petites, qu'on appelle des minimes. C'est vraiment des miniatures fourmis qui vont commencer à s'occuper de la reine, à aller chercher de la nourriture. Et petit à petit, après 1 à 2 ans, on va avoir une colonie mature. Il faut 2 ans pour fonder, pour qu'une princesse devienne une reine et que cette colonie arrive à maturité. C'est-à-dire quoi, maturité, avec combien d'individus? Par exemple, chez la fourmi des jardins, pour qu'on arrive à 1000-2000 individus, il va falloir attendre 2 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi, Christian Peters, c'est que donc, ça, c'est le processus initial. Et puis, petit à petit, les fourmis vont se spécialiser. Et donc là, c'est quand même intéressant de voir comment est-ce que ces fourmis se spécialisent, puisque, si je comprends bien, la reine, elle n'est fécondée quasiment qu'une fois, voilà, au début. Au début de sa vie, elle emmagasine le sperme dans une banque à sperme et donc elle ne devra plus jamais s'accoupler. Et donc, il y a chez certaines espèces, la reine vit pendant 30 ans et donc ce sperme initial va lui suffire pour fertiliser tous les œufs. Donc il faut bien comprendre que la reine prend beaucoup de risques au début de sa vie. Elle est toute seule pour démarrer la colonie et donc elle devient comme un insecte solitaire en fait. Ce n'est qu'une fois que la première génération d'ouvrières prend le relais pour chercher la nourriture, pour défendre le nid, pour soigner les larves, que la reine peut se consacrer sur la ponte des œufs. Le taux de réussite de fondation de nouvelles colonies est très très bas. Extrêmement bas, c'est sans doute moins d'un 1% ou même 0,1%. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'espèces, un très grand nombre, des centaines de nouvelles reines, de princesses sont produites chaque année pour pouvoir que les espèces survivent. Et alors, ce qui est intéressant, ce que vous venez de mentionner, c'est que donc on a bien un seul individu, la reine, qui a sa réserve un certain nombre de gamètes mâles pour pouvoir être fécondée tout au long de son existence. Et de cette fécondation vont sortir des individus différents, alors que le patrimoine génétique est en fait stricto sensu le même. Comment est-ce qu'on comprend ça? Comment est-ce qu'on explique ensuite, petit à petit, la spécialisation des individus en fonction du besoin de la colonie, Christian Peters? Oui, donc il y a deux types de spécialisation. Il y a une spécialisation liée à l'âge, parce que donc les jeunes ouvrières ne font pas la même chose que les vieilles ouvrières. Les jeunes ouvrières restent dans le nid, s'occupent des enfants de la reine, s'occupent de la reine, s'occupent de l'hygiène, tandis que ce n'est qu'une fois qu'elles sont vieilles, qu'elles sortent du nid et qu'elles s'occupent de chercher la nourriture. Donc ça, c'est la spécialisation liée sur l'âge. L'autre spécialisation, c'est liée à la quantité de nourriture reçue pendant le développement larvaire. Certaines ouvrières sont plus grandes que d'autres, et donc parfois elles peuvent devenir très différentes des petites ouvrières, et donc dans la colonie, elles auront des tâches différentes. Par exemple, les soldats vont pouvoir, parce que les soldats ont toujours des têtes avec des mandibules très puissantes, donc ils vont pouvoir défendre la colonie, creuser des nouveaux nids, par exemple dans du bois pourri, et faire des choses que les petites ouvrières ne pourraient jamais faire. Donc c'est vraiment un complément. On devrait dire les soldates, d'ailleurs, parce que ce sont des... Absolument. On va dire soldats. Les soldates ici, on va dire les... Il n'y a pas de raison qu'on dise les soldats, parce que simplement, elles ont un rôle plus offensif. Comment ça se passe, Audrey Dussutour, justement, la répartition, c'est toujours difficile. Quand on avait fait une émission, on va vous mettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission, sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors le mot intelligence, je sais qu'il faut y prendre beaucoup, beaucoup de pincettes pour l'utiliser, mais comment ça se passe pour décider, c'est ce mot décider qui me gêne, mais vous allez me corriger, Audrey Dussutour, de la nature des nouveaux individus qui vont naître. Comment est-ce que c'est régulé? Ah, ça c'est une bonne question. Je vous remercie. Bon, c'est clair que c'est les ouvrières. Hein. C'est pas la reine peut décider si ça sera un mâle ou une femelle, mais c'est les ouvrières qui vont décider si ça deviendra un soldat, si ça deviendra une princesse, si ça deviendra une ouvrière classique. Et alors ça va dépendre bien sûr de l'environnement aussi, de l'apport alimentaire, parce que si on est en période de disette, c'est pas le moment de investir dans des soldats, clairement. Et ensuite, moi... Des soldates, pardon. C'est vrai, il n'y a que des femelles pratiquement dans la colonie, à part au moment de la reproduction. Et du coup, oui, c'est l'ouvrière qui va choisir de faire. Et donc, elle va faire forcément en fonction des besoins. Donc, par exemple, Luc Passera à Toulouse avait fait une expérience assez intéressante chez les Fédolés, qui ont des soldats. Il avait montré que si on mettait la colonie avec un risque permanent, c'est-à-dire en mettant des compétiteurs à côté, elle avait tendance, la colonie, à produire beaucoup plus de soldates. Et du coup, il avait remarqué aussi qu'elles n'avaient pas mangé du coup, les mêmes choses pour produire ces soldates. Donc clairement, la colonie va réagir en fonction, bien sûr, d'un input environnemental. Est-ce qu'on connaît et précisément, ou est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui ont été faites sur, puisqu'on est évidemment très très nettement dans le domaine de l'épigénétique, sur précisément comment la nourriture, comment le milieu, comment les différents stress vont pouvoir orienter la spécification d'une génération dans une colonie? Audrey Dussutour? Alors nous, on est en train de travailler en fait sur ce sujet-là, sur une fourmi clonale du coup, parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de facteurs génétiques. Donc on travaille sur une fourmi qui s'appelle Platytheria, qui finalement ne fait pas de reproduction sexuée, elle se clone. Et donc toutes les ouvrières sont identiques, vraiment, on a regardé des séquences, elles sont identiques. Et nous, on modifie en fait l'apport alimentaire et on regarde du coup la division du travail, qui prend le rôle de l'ouvrière qui va se reproduire et qui prend le rôle de l'ouvrière qui va récolter. Et on a pu montrer comme ça que si on augmentait par exemple l'apport protéique pour une ouvrière, elle avait une plus grande probabilité de devenir reine qu'une fourmi qui avait reçu par exemple plus de sucre. Ça c'est vraiment pour la division entre ouvrière et reine, mais on parle d'une seule fonction d'ouvrière. Il y a des colonies, Christian Peters, où il y a différents strates, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrières mineures, des ouvrières majeures, elles n'ont pas toutes le même rôle, elles n'ont pas toutes la même fonction. Il y en a celles qui sont plus pour construire, celles qui vont aller plutôt chercher à manger. Jusqu'à quel niveau de stratification cette société de fourmis peut aller? Donc ça dépend selon les espèces, mais il faut bien comprendre qu'on ne comprend pas très bien ce mécanisme. Il faut bien comprendre qu'on ne comprend pas bien. Voilà. Parce que, à l'encontre des abeilles, où les larves se développent dans des cellules fixes, et donc les chercheurs peuvent suivre le devenir de larves individuelles qui sont nourries différemment. En fonction des couvains, oui. Voilà. Chez les fourmis, toutes les larves sont mélangées. Elles sont sans cesse nettoyées, transportées d'un bout à l'autre. Et donc, c'est dur de suivre sur plusieurs semaines les différences dans la nourriture, dans la quantité et la qualité de nourriture reçue des ouvrières. Donc, à ce stade, c'est difficile d'expliquer comment ces petites différences de taille sont générées. Et vont aboutir à cette spécification particulière. Il y a une autre énigme aussi qui est assez fascinante, c'est celle de l'espérance de vie, de la longévité. Les ouvrières peuvent, ont en général, alors c'est difficile parce qu'évidemment ça dépend des espèces, mais ont des longévités qui se comptent en semaines, là où la reine a une longévité qui se compte en années. Oui, enfin, donc de nouveau, ça dépend des espèces. Bien sûr. Certaines reines vivent 2 ou 3 ans, d'autres reines vivent jusqu'à 30, 40 ans. Au niveau des ouvrières, c'est d'habitude 1 à 2 ans. Et donc, une fois que l'ouvrière est vieille et qu'elle devient active à l'extérieur du nid, la mortalité augmente de manière drastiquement. Parce qu'elle est par les prédateurs. Voilà. Donc, au laboratoire, on peut garder des ouvrières assez longtemps, mais ce n'est pas quelque chose de naturel parce que les prédateurs, les parasites vont faire leur travail, rentrer dans l'équation. Un mot sur cette longévité, parce qu'il y a la longévité, donc de la différence de longévité entre la reine et les ouvrières, sur un patrimoine génétique qui est quand même très très proche, hein, puisque même si évidemment il y a de la recombinaison, on est sur le même don de gamètes initial. Et puis il y a aussi la question de la longévité précisément de ces gamètes et du sperme dans la spermathèque de la reine qui peut servir à pondre pendant 10, 20, 30 ans. Je suis pas sûr qu'on connaisse dans le règne animal des gamètes qui survivent aussi longtemps après leur émission. Tout à fait, les fourmis sont vraiment une exception dans le règne chez les insectes. Et en fait, dans cette banque à sperme, les spermatozoïdes sont maintenus à un niveau d'activité extrêmement bas. Donc il y a tout un arsenal de glandes qui s'occupent de réguler l'environnement au sein de cette banque à sperme. Et ce n'est qu'une fois que l'œuf est prêt à être pondu, que certains, et parfois un ou deux spermes vont être activés. Donc ceci est fait vraiment d'une manière très économique. Et ceci explique qu'avec un seul accouplement au début de sa vie, une reine pourra produire des dizaines de millions d'individus pendant les 30 années qui suivent. C'est vraiment, ce n'est pas connu chez d'autres insectes. Audrey Dussutour, sur cette question autour de la longévité et de la différenciation. Oui, en plus, les fourmis ont une particularité qui est assez incroyable par rapport aux autres animaux, c'est que normalement, il y a un compromis entre reproduction et longévité, qui veut dire que la reproduction, c'est coûteux, et normalement, la reine devrait vivre moins longtemps. Si on regarde, par exemple, comme chez les mouches qui vont se reproduire énormément vont souvent vivre moins longtemps. Et chez fourmis, on a vraiment quelque chose qui est complètement inversé. On a celle qui se reproduit qui vit beaucoup plus longtemps que les autres. Et donc, c'est vraiment un paradoxe qu'il y a beaucoup de scientifiques qui essayent de travailler dessus, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait comment la nourriture, en fait, agit sur ce phénomène, puisque c'est vraiment que l'apport alimentaire qui va déclencher des cascades moléculaires et qui vont faire que la reine va s'engager dans une longue vie, alors que l'ouvrière dans une vie un peu plus courte. Et sur ces mécaniques épigénétiques, donc qui sont évidemment liées aux nutriments, à la nourriture, aujourd'hui on a tout de même quelques pistes. On comprend un peu comment est-ce qu'à un moment donné les stimuli extérieurs vont conduire les ouvrières à transformer la nourriture pour obtenir bien plus de soldates, au contraire pour à un moment donné se mettre à produire à nouveau des princesses ou etc. Audrey Dussutour. Alors, nous, on travaille sur la nutrition collective et c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. En effet, il faut comprendre que dans une colonie de fourmis, il y a seulement 10% des ouvrières qui vont sortir et récolter la nourriture. Ces ouvrières, elles ont des besoins nutritionnels particuliers qui sont, elles ont besoin de sucre. Vraiment, en général, si on caricature, elles ont besoin de sucre, qui est un peu laissante. Voilà, exactement. C'est pour alimenter le moteur. Alors qu'à l'intérieur du nid, la reine et les larves, elles ont besoin un peu plus de protéines. Les larves pour grandir et la reine pour produire des œufs. Donc comment la récolteuse va ajuster en fait son comportement quand elle sort du nid en fonction des besoins nutritionnels à l'intérieur de la colonie? Donc nous, c'est une question qu'on aborde au laboratoire en créant des conflits nutritionnels. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend des colonies comme les fourmis d'Argentine où on peut vraiment manipuler les colonies assez facilement. Et on va prendre, par exemple, la moitié de la colonie et on va les priver de sucre pendant une certaine période de temps. Puis on va prendre une autre moitié de colonie, on va les priver de protéines et on va les remélanger, on va les marquer avec des marqueurs phosphorescents. Et on va regarder qu'est-ce qu'elles vont aller récolter. Est-ce qu'elles vont écouter leurs propres besoins nutritionnels ou est-ce qu'elles vont écouter les besoins nutritionnels au sein du nid? Et on s'aperçoit que finalement, les récolteuses, elles écoutent plus celles qui sont au nid qu'elles-mêmes. Elles sont très altruistes. Et donc, elles vont chercher la nourriture qui va satisfaire les besoins des fourmis qui restent à l'intérieur du nid. Ah. I wave it up and I wave it back. The feeler's good and the feeler's black. Samosa in the garden shed. I'm crawling over someone's head. And corridor to my heart, it never fades away. Yeah. You're clicking down between the walls. And corridor to my heart, the beige horizon sickly calls. And corridor to my heart, but formic acid is the king. And corridor to my heart, 'cause it so rules everything. And corridor to my heart, click on. Click on. Click on this, baby. Corrosion is a fact of life. And corridor to my heart, rust will triumph over knife. Rust corridor to my heart, knife cuts butter, groundhog pants. Down the valley swarm the ants. And corridor to my heart. And corridor de Robin Hitchcock sur France Culture dans la méthode scientifique à 16h36, puisque c'est ce dont il est question, de fourmis et pourquoi pas des ponts qu'elles font qui sont si impressionnants à voir sur des vidéos. Je suppose que vous en avez certainement vu. On en reparlera tout à l'heure puisque c'est dans cette deuxième partie que nous allons parler justement de leur comportement et de leur communication. Comment font ces nids de fourmis, ces colonies de fourmis pour communiquer entre elles, pour prendre, alors là aussi on va mettre beaucoup de guillemets, des décisions, faire des choix pour la survie du groupe. Nous en parlons avec Audrey Dussutour qui est avec nous en duplex depuis France Bleu à Toulouse, qui est myrmécologue chargée de recherche au CNRS, au Centre de Recherche sur la Cognition Animale de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, et avec Christian Peters qui est avec nous ici, qui est directeur de recherche CNRS et myrmécologue au laboratoire écologie et sciences environnementales de la Sorbonne, de Sorbonne Université. Un mot peut-être pour casser l'image d'Épinal. J'aimais bien quand on a préparé cette émission, Audrey Dussutour, vous nous disiez on a toujours cette image de la fourmi comme étant très travailleuse, hein, évidemment la fable de La Fontaine, mais en fait finalement le comportement global d'une colonie, c'est plutôt un comportement complètement anarchique. Et puis d'un seul coup, comme il y a une grande quantité d'individus, d'un seul coup un individu tombe sur quelque chose et puis pouf, le message passe d'une fourmi à l'autre et ça finit par donner des réponses coordonnées. Mais une fourmilière, c'est plutôt l'anarchie que la mine, quoi. Oui, c'est pas un système comme le nôtre qui est très pyramidal ou centralisé. Souvent, on dit que les colonies de fourmis sont auto-organisées, s'auto-organisent. Donc, par exemple, c'est l'exemple classique, c'est quand elles font des décisions collectives, quand elles doivent aller chercher de la nourriture et qu'il y a deux chemins pour aller à cette nourriture, un chemin court et un chemin long. On voit très vite que la colonie converge sur le chemin le plus court. Donc, avec une vue anthropocentrée, on pourrait se dire, ah, les fourmis, elles sont en train de mesurer la route, etc. Et pas du tout. C'est un comportement qui est beaucoup plus simple que ça. Chaque fois qu'une fourmi va trouver de la nourriture, elle va revenir au nid en laissant une piste chimique au sol, donc des phéromones. C'est un petit peu comme le petit poussé. Et donc forcément, celle qui prend le chemin le plus court, ben, sa piste est accessible plus rapidement que celle qui a pris le chemin long. Donc la fourmi qui sort du nid, elle a le choix entre une piste marquée et une piste non marquée. Et donc elle va renforcer le chemin le plus court. Et petit à petit, parce qu'on joue avec plein de fourmis, ben, on va avoir un phénomène d'amplification, un effet boule de neige, et on va avoir la sélection du chemin le plus court. Mais il n'y a personne qui a décidé qu'il fallait prendre le chemin le plus court. C'est vraiment l'action de plein d'individus qui se multiplient, qui s'amplifient et qui donnent lieu à des décisions collectives. C'est ça, Christian Peters. Finalement, ce qu'on appelle l'intelligence collective, ce sont des mécaniques aléatoires de renforcement de groupe. Voilà, ce sont surtout des individus qui communiquent ensemble et qui donc coordonnent leurs activités aussi. Par exemple, c'est surtout pendant la chasse à l'extérieur du nid qu'on retrouve ces comportements, donc pour pister, pour recruter des individus. Donc récemment, moi, je travaillais sur une espèce en Thaïlande qui est spécialisée dans la chasse aux mille-pattes, des grands mille-pattes. Et c'est en fait les plus vieilles fourmis, les scouts, qui cherchent ces mille-pattes. Une fois qu'elles les trouvent, elles retournent au nid en laissant une piste chimique et elles recrutent une centaine d'individus qui vont alors suivre cette piste. Et c'est alors que cette petite armée va s'occuper de paralyser le mille-pattes et de le ramener au nid. Donc c'est une combinaison du travail individuel de la vieille ouvrière qui connaît bien les environs et des ouvrières moins moins familières, mais qui suivent tout bêtement la piste pour arriver à la proie. Alors tout, on va entendre qu'il y a plusieurs vecteurs de communication entre les fourmis. Il y a des vecteurs hormonaux, des vecteurs phérohormonaux, aussi le bruit. Certaines fourmis peuvent se communiquer par le bruit. Tous ces mécanismes de communication ne sont d'ailleurs pas totalement élucidés. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'université Paris 13 de Villetaneuse au laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée pour voir comment on étudie les interactions, notamment entre les ouvrières et les larves. Oui, je suis allée dans un élevage où on étudie la fourmi tropicale Ectatoma tuberculatum. Fabrice Savary fait des expériences sur plusieurs colonies de cette espèce et ce qu'il cherche à comprendre, c'est comment les larves communiquent leurs besoins alimentaires aux ouvrières via leurs signaux chimiques. Et surtout, il étudie comment ce nourrissage influe sur le déterminisme des castes pour ses générations futures. Là, on va rentrer dans le labo, dans la salle d'élevage, où on peut travailler pour faire des expériences de comportement. Donc là, on rentre dans la pièce de l'élevage. Ouais, donc on sent qu'il fait chaud ici. Oui, donc là, dans cette pièce-là, on a un certain nombre de boîtes dans lesquelles on va trouver des différentes colonies de fourmis, dans lesquelles on va pouvoir observer le comportement des individus et pouvoir récupérer les individus qui sont intéressants pour faire des expériences, par exemple. Alors, quelle espèce de fourmis on étudie spécifiquement ici? Pour quelles raisons? Pour étudier quel type de comportement? Alors, nous, on a une espèce tropicale qui a comme intérêt d'avoir une diversité au niveau de la colonie, en particulier dans le nombre de reproducteurs. Ça veut dire qu'on va avoir des colonies qui sont dites monogynes, avec une seule reine, et des colonies qui sont polygynes, avec plusieurs reines. Je peux peut-être vous montrer comment on fait un nid, peut-être plus simple. Par exemple, celui-ci. Donc là, c'est un nid d'une colonie qu'on a créée au laboratoire. Je dirais entre 300 et 400 individus. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est un nid qui est en plâtre, avec plusieurs chambres qui sont interconnectées les unes aux autres. Cette zone-là, elle est reliée par un tube à une grande boîte extérieure. C'est ce qu'on appelle, nous, le monde extérieur. Alors, donc on les met dans un système un peu plus contrôlé, plus simple à manipuler, dans lequel on peut ouvrir la boîte extérieure, mettre de la nourriture et donc donner, bien sûr, de la nourriture type sucré. Alors, ce qu'on donne, nous, c'est du pomme-miel. Et de la nourriture protéinée, qui sont en fait des petits insectes morts, mais coupés en morceaux pour qu'elles puissent les ramener, les donner aux larves. Donc ce nid, en fait, on va avoir plusieurs chambres, et dans ces chambres se baladent plusieurs individus. Alors, il y a des petits qui sont des ouvrières, et il y a des plus grands, qui sont en fait les reines. Ici, on a deux sortes de reines. On a des reines qui ont des petits points sur le thorax. Elles ont des points rouges et blancs. Voilà, alors c'est ça, elles ont des points rouges et blancs. Alors, le point rouge, c'est parce qu'elles ont été identifiées en tant que reines dès le départ. Et les points blancs, c'est juste, en gros, c'est pour identifier individuellement chaque reine, de manière à pouvoir étudier leur comportement individuellement. Et là, on peut voir que dans une de ces chambres, il y a des cocons. Voilà, dans une de ces chambres, il y a des petits points blancs qui sont en fait ce qu'on appelle les larves. Si on se penche un petit peu plus dessus et qu'on regarde, il y a des tailles de larves différentes. Mm-hmm. Donc il y a des grosses larves et il y a des petites larves. Et au centre des petites larves, souvent, on va avoir des petits tas de petits points noirs. Alors là, il faudrait vraiment se pencher dessus. Oui, oui, on les voit bien, ils sont alignés. Voilà, on a des petits tas de points noirs. Et en fait, ces points noirs, ce sont les œufs. Donc c'est ce que les reines pondent quand elles vont faire la colonie. Et donc ici, on va avoir des petits cocons qui correspondent uniquement à des cocons d'ouvrières. Donc dans cette colonie-là, on n'aura que de la production d'ouvrières dans le futur par rapport à ce qu'on peut observer ici. En fait, l'intérêt de cette disposition, c'est qu'on peut reproduire en laboratoire le comportement naturel des individus. Justement, qu'est-ce que vous étudiez plus spécifiquement au niveau de comportement entre les différentes castes? Alors, en gros, on essaie de savoir comment les ouvrières déterminent et décident de quelle quantité de nourriture ramener au nid en fonction de la quantité de larves qui se présentent dans la colonie. Vous étudiez les signaux visuels, olfactifs? Alors, c'est ça, on étudie. Alors, visuel, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans le noir. Les mouvements des larves, ouais. Alors, ça peut être des mouvements larvaires, en effet, qui sont cette fois-ci plutôt perçus par des signaux tactiles, mais aussi, ça peut aussi être chimique. Et on sait que si on balance de l'odeur de larves affamées dans un dispositif, et bien les ouvrières vont se comporter différemment, même si les larves ne sont pas accessibles aux ouvrières. Donc on sait qu'il y a des signaux chimiques qui interviennent, même si on ne sait pas lesquels pour l'instant. Alors comment on pourrait analyser ces signaux chimiques, quels instruments, quels outils pour essayer de les identifier, de les caractériser ensuite? Alors nous, au laboratoire, on a la chance d'avoir un appareil de chromatographie en phase gazeuse. C'est une grosse machine dans laquelle on peut séparer les éléments chimiques. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer des molécules chimiques provenant de larves non affamées versus des larves affamées. Donc on compare et on peut déterminer s'il y a des différences de molécules chimiques, soit en quantité, soit en qualité. C'est-à-dire soit des molécules plus ou moins produites par les larves affamées par rapport à des larves nourries, ou alors différentes entre les larves affamées et les larves nourries. Donc on va utiliser dans ce cas-là des fibres qui récupèrent, qui récoltent finalement les molécules chimiques. Et il suffit juste de mettre les larves dans un dispositif où on peut capturer ces molécules chimiques. Et on peut ensuite comparer ces molécules chimiques en injectant dans la chromatographie ces molécules qui ont été capturées par la fibre. Il y en a qui s'échappent parfois. Ouais, non, il y en a une fourmi qui se balade, mais. Ah mince. Non, c'est pas très grave. Je pense que là, elle est pas très bien. Là. Ah mince. Ouais, non. Alors, quels sont les prochains problèmes que vous allez vous poser avec ces mêmes colonies ici? Alors, là, en ce moment, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait de comprendre les relations, cette fois-ci, entre mâles et femelles au moment de la fécondation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les contacts entre mâles et femelles au début sont plutôt agonistiques, agressifs. Pourtant, elles émettent des phéromones d'attraction. Pourtant, elles émettraient, semble-t-il, des phéromones d'attraction. Mais ça, pour l'instant, ça n'a pas été déterminé. Donc, on est encore en train de voir si c'est possible. Donc, ça, c'est une des futures recherches qu'on va faire au laboratoire. C'est vraiment de comprendre les relations entre mâles et femelles. Voilà, beaucoup de questions encore hein, sur ces modes de méthode et ces différents vecteurs de communication entre individus adultes, entre les adultes et les larves, entre la reine et les larves. Bref, tout ça donne lieu encore à des études de passionnantes. Une réaction, Audrey Dussutour, à ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est vraiment la relation entre les ouvrières et larves, c'est un truc qui est assez fascinant. Nous, on avait travaillé sur une fourmi en Australie et on avait montré que finalement, la larve, c'était un peu comme des estomacs portatifs. Il faut savoir que les ouvrières ont beaucoup de mal à digérer les protéines et nous, on avait vu chez ces fourmis qu'elles allaient donner les proies aux larves. Les larves allaient digérer les proies et après, elles allaient régurgiter de la nourriture dans la bouche des fourmis et prédigérer en fait. Donc, c'était un petit peu comme des estomacs portatifs et c'est ce qu'on a appelé la nutrition collective. Christian Peters, une réaction à ce que vous avez entendu? Oui, il y a une vraie division du travail entre les ouvrières et les larves. En fait, elles sont complémentaires. Et donc, mais donc, de nouveau, ça varie fortement selon les espèces, parce que chez les fourmis plutôt basales, les larves se nourrissent d'elles-mêmes sur des morceaux d'insectes qui sont ramenés au nid. Tandis que chez d'autres espèces plus évoluées, ce sont les ouvrières qui les nourrissent avec de la nourriture liquide. Donc il y a toute une gamme de comportements alimentaires et c'est très important de bien faire le tri entre ces différentes stratégies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi toute une gamme de méthodes et de vecteurs de communication. On l'a entendu. On parle de phéromones quand ces hormones qui sont produites sont répandues à l'extérieur. On parle des hormones intérieures, des hormones de surface. Là aussi, Audrey Dussutour, il y a vraiment toute une gamme très importante qui est en fait l'impulsion des décisions collectives et qui va lancer un peu justement ces phénomènes de réplication et d'entraînement que vous évoquiez tout à l'heure sur les comportements de la colonie. Oui, tout à fait. Par exemple, si on prend l'exemple de la fourmi pharaon, elle va avoir, par exemple, juste à l'extérieur du nid, trois types de phéromones. Une phéromone qui veut dire « j'ai trouvé à manger », une phéromone qui veut dire « ça, c'est mon territoire », et une phéromone qui dit « là, il y a du danger ». Et donc, elles vont pouvoir justement adapter leur récolte alimentaire en fonction de ces trois phéromones. La phéromone qui indique la nourriture est de courte durée. La phéromone qui indique, ici, c'est chez moi, est de longue durée. Et il y a une phéromone très, vraiment, qui dure pas très longtemps, ils appellent ça la phéromone stop, qui dit, bon, mais là, il faut arrêter de fourrager, d'aller chercher de la nourriture, il n'y a plus rien. Donc, en fait, les fourmis, elles vont jongler comme ça avec différents types de phéromones. Et ça va être la même chose à l'intérieur du nid pour la construction, par exemple. Quand une fourmi construit son nid, elles ont tendance à mâchouiller la terre et à mettre des phéromones aussi dans cette terre. Et donc, quand elles construisent, elles attirent les autres fourmis à déposer leurs mêmes boulettes au même endroit par ce phénomène de phéromones et d'amplification de comportement. Il y a d'autres types de communication. On dit que les fourmis communiquent aussi par contact avec les antennes et qu'il y a des hormones de superficie sur leur carapace, sur leur chitine, qui donnent aussi des informations entre elles, à leurs congénères. Tout à fait. Il y a une signature chimique à l'extérieur du corps. Et donc, c'est pour ça que les antennes, un contact antennaire est nécessaire pour reconnaître cette différence. Mais une communication très importante, c'est aussi la trophallaxie. La trophallaxie, c'est l'échange de nourriture entre individus au sein du nid. Et donc, les fourmis ont un estomac qui se divise en deux parties. Un estomac social, qui est la première partie de l'estomac, et la nourriture qui est dans cette partie peut être régurgitée et partagée avec les larves, avec la reine, avec d'autres ouvrières. Tandis que une fois que la nourriture passe dans la partie suivante, c'est alors l'estomac individuel qui est alors digéré pour servir. Et donc, il y a aussi des espèces où les grandes ouvrières, ou parfois les soldats, se spécialisent dans le stockage de cette nourriture. Et ils se promènent avec des abdomens qui sont énormes. Ils sont vraiment des réservoirs à nourriture. Et on sait justement quel est le type de communication qui peut passer par l'échange de nourriture en particulier. On sait dans quel type d'interaction ça intervient. Alors c'est un sujet qui est en train de commencer à être étudié. Par exemple, une chercheuse en Suisse qui travaille sur cet échange d'autres substances, pas que de nourriture, d'hormones, de protéines qui pourraient véhiculer des informations entre les individus, mais c'est vraiment le début de cette étude. Audrey Dussutour, sur la trophallaxie. Oui, tout à fait. En fait, les fourmis, en plus, peuvent trier ce qu'elles donnent. Adria Leboeuf donc a montré, par exemple, que les fourmis peuvent échanger des hormones, comme les hormones juvéniles, qui vont jouer en fait sur le développement. Donc, elles peuvent échanger bien sûr de la nourriture, mais tout aussi un tas d'autres informations via les trophallaxies. Il y a un autre comportement qu'on attribue aux fourmis aussi comme étant quelque chose d'assez particulier, puisque la fourmi, je le disais au tout début, serait la seule espèce avec l'espèce humaine à pratiquer l'élevage d'une autre espèce, en l'occurrence celle des pucerons. Ce sont des mécanismes aussi là que l'on comprend bien cette façon de faire bien de l'élevage, de l'agriculture raisonnée en quelque sorte, Audrey Dussutour. Alors oui, les fourmis font de l'agriculture. Alors soit elles élèvent des pucerons, ça c'est le cas de la fourmi des jardins, et on n'est pas très content quand on a des pucerons sur les rosiers, parce que les fourmis les protègent. En fait, elles traient les pucerons, comme on trairait nos vaches. En fait, les pucerons extraient du nectar qui est assez riche, les fourmis prélèvent ce nectar. Mais il y a aussi de l'agriculture type, elles élèvent des champignons, ça c'est les fourmis coupeuses de feuilles en Amérique du Sud, qui vont vraiment pratiquer de l'agriculture. C'est-à-dire comment ça se passe ? Expliquez-nous un peu. Alors, elles ont des champignonnières, c'est des champignons, c'est des agarics, hein, un peu tout simple, qu'elles cultivent. Et ces champignons, elles les nourrissent en coupant des feuilles. En fait, elles alimentent leurs champignons avec des bouts de feuilles. Le champignon digère ces feuilles et produit des petites excroissances, des gonguidilia, qu'ils donnent, qui sont très très riches en sucre et que les fourmis vont manger. Et en réalité, les fourmis sont assez intelligentes parce que elles nourrissent ce champignon de manière à ce qu'il ne se reproduise pas, c'est-à-dire qu'il ne sporule pas, mais de manière à ce qu'il croît et qu'il produise ses excroissances. Donc en fait, elles sont vraiment en train de le manipuler. Et ensuite, elles utilisent aussi des antibiotiques pour protéger ce champignon. Elles élèvent sur leur corps des bactéries qui vont produire ces antibiotiques et qu'elles vont enduire sur le champignon pour qu'il évite d'être infecté par des champignons parasites. Mais elles les élèvent comment est-ce qu'elles élèvent ces bactéries sur leur corps? Alors, elles sont passées de fourmi en fourmi. Il faut savoir que la reine, au départ, c'est elle qui est bien sûr à l'origine de tout. C'est elle qui, avant de partir en tant que princesse, prend un petit bout de champignon et cet élevage bactérien sur elle, avant de partir former une nouvelle colonie. Et après, ça se passe de fourmi en fourmi. Et les fourmis vont même utiliser de l'engrais. Bien sûr, elles vont utiliser leurs excréments comme engrais pour ce champignon. Donc, c'est vraiment une vraie forme d'agriculture. Un mot peut-être pour... On a beaucoup parlé... Alors, on n'arrête pas de dire qu'il y a des fourmis partout, qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des moyens d'évaluer quand on parle de l'effondrement des populations d'insectes, hein. Je rappelle une étude qui montre qu'en 30 ans, en Allemagne, les populations d'insectes ont diminué de 60 à 80%. Aujourd'hui, les fourmis sont impactées, ressentent ce qui est ce qu'on appelle l'effondrement ou l'apocalypse insecte, en tout cas le fait que on constate une diminution du nombre d'individus et du nombre d'espèces, Christian Peters. Mais le problème principal, c'est la destruction des écosystèmes, la destruction des forêts, parce qu'un grand nombre d'espèces sont extrêmement spécialisées. Et donc, si vous détruisez une forêt, vous détruisez des dizaines d'espèces en une fois. Il y a aussi, bien sûr, un effet des pesticides sur les fourmis, mais c'est encore mal connu. Mal quantifié, Audrey Dussutour? Oui, puis il y a le changement climatique. et les invasions, en fait, nos allers-retours incessants de continent en continent transportent aussi des fourmis. Et souvent, on transporte des fourmis qui vont prendre la place de fourmis qu'on avait à l'origine dans nos pays. Et c'est le cas, par exemple, de la fourmi d'Argentine qui pousse les espèces natives et qui prennent leur territoire. Aujourd'hui, les fourmis, on le dit peut-être pas suffisamment, sont un rouage essentiel dans le maintien, l'entretien d'écosystèmes, notamment évidemment les écosystèmes tropicaux, mais les écosystèmes forestiers, Audrey Dussutour. Oui, parce que les fourmis pollinisent, on parle beaucoup des abeilles, mais les fourmis aussi. Il y a beaucoup de fourmis en fait qui se nourrissent de graines et qui vont donc disperser des graines et qui vont permettre aussi aux graines de germer parce qu'elles vont enlever des petites excroissances qui vont faciliter la germination. Et donc vraiment, par exemple, à Toulouse, on n'aurait pas de violettes si on n'avait pas de fourmis. Mmh. Elles ont aussi un rôle dans la décomposition de la matière organique, le fait que ces matières-là que ne développent pas trop de bactéries qui seraient des bactéries toxiques. Oui, tout à fait. Elles font le même travail. Les termites aussi font ce travail-là de renouvellement de sol, d'aération du sol. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Vous avez parlé à mon cœur quand vous m'avez parlé de fourmis Dracula. J'ai envie de savoir, Audrey Dussutour, c'est quoi les fourmis Dracula? Alors, ce sont des fourmis, je les aime bien parce qu'en fait, elles se nourrissent en suçant les molymphes de leurs larves. C'est-à-dire qu'elles prennent, réexpliquez-moi un peu comment ça marche, ça. En fait, c'est des fourmis qui ont des mandibules énormes et qui ont des difficultés à manger. Et du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles nourrissent leurs larves avec des proies. Et après, elles ponctionnent, en fait, elles mordent littéralement leurs larves et elles sucent les molymphes des larves pour se nourrir. Christian Peters, racontez-moi, parlez-moi de votre espèce de fourmi préférée, votre favorite. Moi, je travaille sur Melissotarsus, qui est une espèce qui vit dans des arbres vivants. Elle creuse des tunnels et elle élève des centaines de milliers de cochenilles dans ces tunnels. Donc, ce sont des fourmis qu'on ne voit jamais parce qu'elles ne sont incapables de marcher à l'extérieur de ces arbres. Et c'est en fait une fourmi qu'on pensait être rare, mais elle est un peu partout en Afrique, à Madagascar et aussi en Asie. Et donc, c'est une fourmi qui est en... L'étude de cette fourmi est en plein boom parce que cette coévolution entre la fourmi et la cochenille est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est du commensalisme entre les deux espèces? Sauf que la cochenille peut vivre sans la fourmi, mais la fourmi ne peut pas vivre sans la cochenille. Et donc, elle a besoin de la cochenille pour quoi? Pour creuser les... Pour se nourrir. Parce que la cochenille suce la sève de la plante et la fourmi récupère cette nourriture. Un dernier mot peut-être, Audrey Dussutour, vous avez parlé également d'une fourmi esclavagiste. Oui, alors ça c'est des fourmis parce qu'on trouve vraiment, c'est là où on voit que c'est l'éloge de la barbarie chez les fourmis. Et donc on a des fourmis comme Polyergus qui vont utiliser des phéromones de propagande, rentrer dans le nid, forcer les autres un peu à s'entretuer, décapiter la reine pour prendre sa place. On voit plein de choses comme ça sur les fourmis esclavagistes. Et il y a beaucoup de fourmis esclavagistes, au moins 200 espèces avec 200 façons de pratiquer l'esclavage. Mais ça mériterait 200 autres émissions de la méthode scientifique pour parler des fourmis, parce que là on a fait un peu un survol général, et c'est vrai qu'on a envie d'en apprendre plus. Et puis, il faut rappeler que, bien, vous voyez, on a besoin d'entomologistes. Donc, vous qui nous écoutez, lancez vos enfants dans des carrières d'entomologistes. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour détailler, pour comprendre, bien, pas seulement ces fourmis, mais tous ces insectes eusociaux qui sont passionnants. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler des fourmis. Merci, Audrey Dussutour. Merci à nos camarades de France Bleu à Toulouse pour le duplex. Merci également, Christian Peters. Je rappelle qu'on peut vous lire également dans le guide des fourmis de France. C'est aux éditions Belin. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Daguette-Saint-Vulfranc, Évétienne Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Déborah Dagobert à la technique. Demain, nous nous intéresserons à une nouvelle forme de propulsion spatiale après le moteur à ergol, après la pile nucléaire et après le moteur ionique. Les futures sondes voyageront-elles dans l'espace à la voile? Il sera question de voile solaire demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.